Nous sommes le samedi 28 octobre 2017, et devinez quoi, c'est l'heure de votre revue de presse JV spéciale Tipeur. Hello, hello! Bienvenue, chers tipeurs, dans votre édition exclusive du samedi! Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce week-end, mais j'espère que cette émission vous fera passer un excellent moment. Je vous ai préparé de bien belles news dont la fraîcheur n'a d'égal que la saveur. Et je vais tout de suite arrêter de faire mes rimes à deux balles, ouais parce qu'à un moment donné, il y en a peut-être marre. Et donc je vous propose de rentrer dans le vif du sujet sans plus tarder, c'est-à-dire maintenant, tout de suite, on y go! Il ne vous aura pas échappé que cette semaine, les sorties de poids s'enchaînent. Alors hier, on parlait de Super Mario Odyssey sur Switch, et sorti également ces jours-ci Wolfenstein 2 The New Colossus, suite de The New Order, qui était déjà une sorte de renaissance hein, pour Wolfenstein, une renaissance qui était réussie. Et donc, sans trop rentrer dans les détails, cette suite est accueillie aussi bien que son aîné, si ce n'est plus. Donc, au moment où j'enregistre cette émission, peu de notes sont encore tombées. Jeuxvideo.com a rendu son verdict avec un joli 17 sur 20 en disant grosso modo que voilà, c'était une suite encore meilleure que le premier, avec une bande-son exceptionnelle, une super VF, des gunfights au poil, des dialogues et des scènes extrêmement bien écrites. Enfin bref, apparemment, cette suite est fichtrement réussie. Et Plukin Baby, alias Papa sur GameCult, qui a balancé sa critique du jeu hier après-midi, est lui aussi assez content de cette suite. Pourtant, Dieu sait qu'il est assez dur à l'image de la ligne éditoriale de GameCult. Hein. Il n'est pas facile à séduire le père papa, si je puis dire. Il nous dit, s'il fallait résumer Wolfenstein de The New Colossus en une phrase, ce serait celle-ci. C'est exactement la même chose que The New Order, mais en bien mieux. Parmi les points positifs, il souligne qu'on tue des nazis, et ça, faut dire que c'est toujours très sympa. La violence des gunfights, des doublages et des musiques au top, une réussite narrative, tuer des membres du Ku Klux Klan, ça aussi c'est vrai que ça doit être assez jouissif. Les deux derniers tiers de l'aventure bien intense, une direction artistique qu'elle est bien, petite friandise pour prolonger le plaisir, et la hachette c'est chouette. Il est taquin ce papa, il est taquin. Parmi les points négatifs, il nous dit que c'est con comme une intelligence artificielle de nazi, que le premier tiers du jeu est plus cloisonné et plus fade, et que passer son temps à ramasser manuellement vie et munitions, ça peut être un petit peu enquiquinant, et que l'infiltration est pas tip top. Bon, pour le reste, apparemment il est conquis, donc il a fait un énorme papier. Bon, c'est quand même une bonne plume, hein, Plukin Baby, faut le reconnaître, donc n'hésitez pas à aller vous rincez les yeux sur sa prose. Après, si vous aviez prévu de vous l'acheter et que vous étiez fan déjà du précédent, je pense que vous l'avez déjà chez vous en train de tourner. Et je ne vous jetterai pas la pierre. Quelque part, je peux le comprendre. Vous savez, derrière le créateur de podcast que je suis, il y a aussi un petit cœur qui bat, le cœur d'un homme qui a ses doutes, ses faiblesses et ses émotions. Bref, allez, on passe à la suite, sinon je vais me mettre à chialer, tiens. Une autre sortie importante ces jours-ci, c'est celle d'Assassin's Creed Origins. Origins, même, vu qu'il y a un S, donc c'est Origin au pluriel. Attention, ça ne rigole pas. Alors même si je pense qu'au niveau médiatique, ça va être un peu écrasé, quand je dis un peu, je suis gentil, par l'ouragan Mario Odyssey. Les reviews sont tombées, les critiques sont tombées. En tout cas, au niveau de la presse étrangère, l'accueil est super chaleureux également. Les notes aussi en général entre 7 et 10. Côté France, alors, donc celle de JV.com, qui a mis un 18 sur 20. Le journaliste, c'est Carrage, qui dit en choisissant de s'inspirer de ce qui se fait de mieux sur le marché pour son système de combat, l'exploration et l'interface, Assassin's Creed Origins fait figure de lifting bienvenue pour une série qui en avait besoin. Alors je vous dis pas toute la critique, sinon ce sera un petit peu long et peut-être redondant pour vous. Jeuxvideo.com pointe quand même quelques petits défauts qui sont que l'introduction serait visiblement confuse, que les rares séquences du présent peinent à convaincre, alors ça j'ai l'impression que c'est comme chaque Assassin's Creed de toute façon, des loupés d'infiltration et de détection, le pathfinding erratique de certains PNJ ou ennemis et quelques bugs et ralentissements. Mais bon, la critique loue également une liberté d'approche totale, un monde ouvert superbe et vivant, l'utilisation de l'aigle c'est nu, que l'interface et le HUD, alors le HUD c'est ce que vous avez d'affiché à l'écran, est la meilleure de la série, plein de références pour les fans, bref, jeuxvideo.com et... conquis. La critique qui pourra peut-être intéresser les fans d'Assassin's Creed qui sont parmi vous, c'est celle de Julo sur Gameblog, car il se vante régulièrement d'être un grand fan de la série, et on le croit bien. Et donc lui a mis un 9 sur 10. Alors il nous dit que si le jeu n'est pas parfait, il a au contraire parfaitement compris ce qu'il devait faire pour regagner le cœur des joueurs et des fans de la série. En plus de nous livrer la mystérieuse et fascinante Égypte antique sur un plateau d'argent, dans un monde ouvert absolument gigantesque, bourré d'activités et de secrets à découvrir, il réussit le pari de transformer son gameplay en y intégrant avec brio des éléments RPG et en revoyant intégralement avec non moins de talent son système de combat. Résultat, le jeu vous aspire littéralement pendant des dizaines et des dizaines d'heures sans jamais vous lasser ou presque, car certaines de ses missions annexes offrent encore un intérêt limité et une certaine redondance. Alors, je vous lis pas toute la conclusion parce qu'elle est assez grosse, donc vous irez voir ça sur Gameblog. Alors si Julo pointe le fait que les quêtes annexes sont un peu redondantes, j'ai lu ici et là malgré tout que on était un peu sorti de cet aspect, vous savez, des centaines de points sur la carte et d'objectifs un peu concon. D'objectifs un peu concon à remplir comme ça et qui gonflent artificiellement la durée de vie. Apparemment on est sorti un peu de ça et que les missions annexes ont l'air de s'intégrer parfaitement au scénario. Si certains vont jouer à cet épisode Origins parmi vous, j'aimerais bien avoir votre feedback là-dessus. Il revient souvent que son système de combat a été grandement amélioré et complètement repensé. Alors ça m'a un petit peu intrigué parce que je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les bougres d'Ubisoft ? Et là, je vais reciter Julo. Première impression, donc, concernant le système de combat, est celle d'une Dark Soulsisation. Ah, encore une Dark Soulsisation, mon Dieu ! Comme je le dis toujours, tout le monde est... tout a été Dark Soulsisé à notre époque, même ta grand-mère. Bon, je radote mes blagues comme un vieux papy, mais c'est pas grave, à mon âge, on a le droit. Vous savez, on se fait vieux, ma pauvre dame. Bref, il nous dit qu'on meurt beaucoup. Vraiment beaucoup, avant de comprendre que cette fois, on ne va pas enchaîner les combos dans de superbes chorégraphies mortelles qui ne nécessitent qu'un matraquage de boutons, oh que non. Alors, Julo nous dit que les ennemis sont très agressifs, très efficaces, l'intelligence artificielle apparemment a été assez poussée, et que chaque combat peut facilement devenir un enjeu, un stress. Vous ne foncerez plus tête baissée vers un groupe d'ennemis en vous disant que ça devrait passer comme une lettre à la poste. Bref, j'ai l'impression que ce nouvel Assassin's Creed a pris un peu à droite à gauche ce qui se faisait de mieux, tout en gardant quand même une colonne vertébrale propre à la série, normal. Donc, serait-ce l'épisode de la réconciliation ? Vous me direz ça. Quelle actualité en ce moment, mes amis ? Quelle actualité ! En parlant de cette actualité brûlante, est-ce que vous ne pensez pas qu'Ubi a fait une erreur en sortant son Assassin's Creed maintenant ? Sachant que la parole médiatique est quand même monopolisée par Nintendo. Alors, c'est pas forcément le même public, mais il y a un public commun aussi. Ça, j'en suis persuadé. Alors, déjà que depuis l'annonce de cet épisode, qui est celui dont la mission est de relancer, de casser la monotonie qui avait été instaurée par ces sorties annuelles d'Assassin's Creed, là, donc, ça fait 2 ans qu'un épisode canonique n'était pas sorti. Là, il sort avec énormément d'améliorations qui sont donc apparemment saluées de fort belle manière par la presse. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que Ubisoft n'a pas envoyé un petit peu au casse-pipe son jeu là, maintenant, surtout cette semaine-là, qu'il soit présent dans la période de fin d'année? Ça, c'est tout à fait normal. Hein. C'est un Assassin's Creed, donc c'est un triple A. Ça, la décision peut se comprendre aisément. Il n'y a pas de problème là-dessus. Après, les impressions qu'on peut avoir au niveau des réseaux sociaux ne reflètent pas forcément les ventes après dans les magasins, bien sûr. Mais j'ai l'impression que Mario Odyssey bouffe toute l'attention. Je dirais personnellement que c'est totalement compréhensible, mais je peux comprendre aussi derrière le travail qui a été effectué par les équipes d'Ubi pour essayer de remettre vraiment Assassin's Creed au sommet, comme il l'a été à une époque, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je suis pas extra fan, mais il faut quand même reconnaître les efforts d'Ubi sur cet épisode Origins. Et c'est là que vous, chers tipeurs, bénéficiaires de cet épisode exceptionnel du samedi, j'aimerais que vous me donniez votre opinion, que vous en ayez rien à secouer d'Assassin's Creed, ou de Mario d'ailleurs. Vous avez forcément une opinion sur la question, que ce soit une opinion totalement froide, clinique, ou une opinion un peu plus passionnée, car l'un des deux jeux, donc que ce soit Assassin ou Mario, vous fait du pied comme jamais, j'ai envie de dire. Dites-moi tout ça sur Twitter, sur Facebook, je serais vraiment curieux d'avoir vos feedbacks là-dessus. Nintendo, et oui, encore lui, nous a gentiment fourni les chiffres français de sa Switch. Et c'est à travers lemonde.fr, via un article signé William Enduro. Et dans cet article, notamment, on peut avoir des déclarations de Philippe Lavoué, directeur général de Nintendo France, qui nous dit que Nintendo a écoulé 400 000 Switch en France à ce jour. 400 000. Le lancement avait été très bon, hein, avec 105 000 machines vendues lors des 3 premiers jours de commercialisation. D'ailleurs, c'est un nouveau record. Il y a aussi les problèmes de disponibilité, effectivement, qui ont peut-être freiné un tout petit peu les ventes de la console, mais enfin là ils en sont à 400 000, donc c'est assez joli, il faut le dire. Et l'objectif donc de Philippe Lavoué est de vendre 400 000 machines de plus dans les 10 semaines qui viennent pour atteindre un parc de 800 000 machines avant de terminer l'année 2017. Vous l'aurez donc compris, la Switch se porte merveilleusement bien en France, et pas qu'en France d'ailleurs. Et les fêtes de fin d'année risquent, je pense, d'accentuer cette tendance. Je vous parlais il y a quelques émissions de Metal Gear Survive, qui n'a pas l'air si naze que ça finalement, même si Papa Kojima n'est pas là. Mais il y a une note qui a été donnée par Konami et qui inquiète un petit peu ceux qui envisageaient malgré tout d'acheter le jeu. C'est qu'une connexion obligatoire serait requise pour jouer à ce MGS Survive. Et pas seulement au mode multijoueur. Alors ça, c'est un petit peu plus inquiétant. Le communiqué de Konami nous dit « Dans la campagne solo, les joueurs s'attelleront à la gestion des ressources, à la progression de leurs personnages au travers de l'amélioration du camp de base, et créeront des armes et équipements pouvant être utilisés au sein du mode co-op. En coopération, les joueurs combattront en ligne aux côtés de leurs alliés pour collecter du butin qui s'avéra vital pour la campagne solo. » Et donc c'est ce qui expliquerait cette connexion obligatoire, puisque le mode multi et le mode solo ont l'air étroitement liés. Ils s'enchevêtrent, j'ai envie de dire, ils s'emboîtent. Voilà, je vais pas utiliser de termes encore plus grivois que ça, mais c'est un peu l'idée si vous voulez. Alors ça, moi, c'est quelque chose qui est, pour moi, je vais vous dire, rédhibitoire. Totalement rédhibitoire. Moi, quand un jeu me propose une connexion obligatoire, même pour profiter comme il faut de l'expérience solo, alors à confirmer, hein, ce qui va sortir un petit peu de tout ça, mais moi c'est clair que si il s'avère qu'une connexion est obligatoire, même pour le solo, eh ben je dis non, j'ai pas autre chose à dire, je dis non. J'ai trouvé sur le site de l'AFJV, donc l'agence française du jeu vidéo, un portrait robot des joueurs français. L'AFJV nous explique que le jeu vidéo est un loisir pour tous aux multiples pratiques, et cette nouvelle étude consommateur annuel du sel. Alors, le sel, qu'est-ce que c'est que le sel? Eh bien, c'est le syndicat des éditeurs de logiciels de loisirs. Et donc, cette étude du sel menée par JFK ne fait que confirmer tout ceci. En 2017, la moyenne d'âge du joueur est de 34 ans et 47% des joueurs sont des femmes, traduisant ici une parité quasi parfaite parmi les adeptes du jeu vidéo. La moitié des Français, donc à savoir 53%, sont joueurs, contre seulement 29% en 2015, donc la progression est assez exceptionnelle. On apprend également que 24% des joueurs déclarent jouer tous les jours ou presque. Les pratiques sont multiples, à l'image de la diversité des supports de jeux offerts aujourd'hui. La console de salon reste la plateforme favorite des joueurs à hauteur de 61%. La pratique sur smartphone s'est encore développée, ça je pense que c'est pas une grosse surprise, et a atteint 60% contre 50% en 2016. Enfin, 55% des joueurs, nous dit-on, joue sur PC. Comme d'habitude, je vous conseille d'aller lire cet article entièrement. Mais parmi les dernières infos que j'aimerais vous donner concernant ce papier, c'est que 62% des Français considèrent le jeu vidéo comme une activité positive, 77% comme un loisir pour toute la famille, 86% un secteur innovant, et 80% des Français pensent que les jeux vidéo sont créés par de vrais artistes. Bien sûr, il fallait parler du Paris Games Week, vu que la FJV et le SEL ne sont pas étrangers à cette manifestation. Et vous serez heureux de savoir que 54% des Français connaissent la Paris Games Week. Et là, je me rends compte que depuis quelques émissions, je dis le Paris Games Week. Alors, bon, donc c'est là. Excusez-moi si j'ai heurté certaines sensibilités en me trompant. Je prendrai toutes les responsabilités qui s'imposent en envoyant un communiqué à l'AFP directement après la fin de cette émission. Bref, donc 54% des Français connaissent la Paris Games Week et parmi eux, 28% la connaissent très bien. Alors je sais pas, peut-être qu'ils peuvent déambuler dans les allées les yeux fermés, ils peuvent s'y balader comme un petit poisson dans l'eau les yeux fermés, je ne sais pas. 89% des Français considèrent la Paris Games Week comme un événement majeur dans le monde du jeu vidéo. Ça, ce n'est pas faux, puisque vous avez très certainement remarqué que depuis quelques années, le salon attire quand même de plus en plus d'exclus, de plus en plus d'avant-premières, de plus en plus d'invités et d'éditeurs de marques. Ça, tout ceci, bien évidemment, est factuel, hein, et pas question de contredire cela. Maintenant, je vous mentirai en vous disant que j'étais un grand fan de ce salon, car les dernières sessions que j'ai pu y faire n'ont pas été vraiment très agréables. Mais ceci est un autre débat. Merci, merci, merci, chers tipeurs. C'est ainsi que se termine cette édition du samedi spécialement réalisée pour vous. Encore mille merci pour votre aide précieuse. Sachez que ça me fait chaud au cœur. Alors, je le répète très souvent, peut-être ad nauseam, hein, comme disent les gens qui ont un cerveau. Mais voilà, vraiment, merci beaucoup. N'oubliez pas de porter la bonne parole autour de vous, de réagir sur cette émission du samedi. Sur les réseaux sociaux, ça me ferait super plaisir, voilà, tout simplement. Propagez la bonne parole autour de vous. Et de toute façon, on se retrouve, alors ce soir, pour l'enregistrement de l'émission spéciale, l'émission mensuelle avec les tipeurs concernés. Et on se retrouve lundi, bien sûr, matin, pour une nouvelle semaine de Revue de Presse JV, dans la joie et la bonne humeur. Donc, vous savez très bien que vous pouvez réécouter tous les épisodes H24 et 7 jours sur 7 sur iTunes, Podcloud, Deezer et la chaîne YouTube. Sauf, bien évidemment, cet épisode du samedi qui vous est envoyé spécialement par mail, secrètement pour vous. Allez, je vous souhaite un excellent week-end. Je vous tiens au courant pour l'émission du samedi. J'essaierai de la monter le plus vite possible pour qu'elle soit dispo dans des délais raisonnables. Amusez-vous bien, portez-vous bien, passez du temps avec vos proches. Gros bisous et à très vite. Allez, encore merci. Salut.